Une journée à Husavik par Claude Fay. Parti de la capitale tôt le matin, Elliot découvre, en début d'après-midi, la baie de Skjalfandi, au nord-est de l'Islande. Il a parcouru près de 500 kilomètres. Il a traversé de grandes étendues et le voici maintenant tout près du cercle polaire. Tout en lui a envie de chanter avec le vent et la pluie. À croire que la route lui a rendu son enfance. Par la vitre, il a découvert des champs de lave pétrifiés, toutes sortes de formes et de couleurs, des roches brunes usées, de la neige blanche, des brumes dont émanent des flaques d'eau turquoise et des soies oranges semblant collées au sol. Ce défilé de paysages a imprimé la conviction que la nature est la plus forte, que c'est elle qui aura toujours la poigne, le cran. La preuve, elle est capable de n'importe quoi. C'est une idée qui suffit à provoquer chez ce grand garçon romantique une légère euphorie. Il se sent du côté des éléments. La terre lui apparaît aussi vivante que le goût du sel. Il veut bien être son cavalier confiant, et c'est dans cet état qu'il descend du car. Nous sommes au début de l'été, il doit faire 10 degrés, la pluie est fine. Le village de Husavik tapisse le fond d'une anse. Dans cette baie grise aux eaux profondes, les baleines viennent se gaver de krill avant de partir au sud faire leur bébé. Elles circulent dans cet abri naturel. Aujourd'hui, on a cours du monde entier pour les voir. Il y a toutes sortes de bateaux colorés pour aller à leur rencontre. Parfois, les embarcations s'approchent un peu trop près. C'est très difficile de respecter la bonne distance. Il faut faire plaisir aux touristes sans nuire à l'animal. Ce besoin de les admirer est une promesse de paix. Elliot ira. Il est venu pour ça. Et le travail de serveur qu'il a trouvé pour les mois d'été est une aubaine. Le rendez-vous est déjà prévu, mais il faut encore attendre 2 heures. Pour le moment, il s'approche à grandes enjambées du musée. Il déposera son sac après. L'hôtel est sur le port, à côté de l'église en bois. L'ancien abattoir en impose. C'est même le plus grand bâtiment de ce bourg, difficile de ne pas s'en rendre compte. Il n'y a pas de file d'attente et les filles qui tiennent la billetterie lui donnent envie de sourire. À l'intérieur, le béton et la charpente métallique sont impeccables. Les chromes brillent. Le mobilier industriel se confond avec les carcasses, ce qui constitue une invitation à la réflexion. Tout est propre, avec des explications partout. Pourtant, avec les premières respirations, Elliot ressent un écœurement et il le reconnaît. Dans le tiroir chez les arrière-grands-parents, la cuillère qui pue à l'huile de foie de morue, ça sent pareil. Quelle surprise! L'idée de la pêche et de la chasse arrive comme ça. Dans une odeur et une matière connue qui fait frissonner de dégoût. Ce relan a dû mettre des décennies à se déposer. Aujourd'hui, il se hâte encore. En même temps, comment s'étonner? Et puis, après tout, dans ce lieu transformé en musée, cette odeur est une résistance. Ça empêche l'oubli. Cette puanteur freine l'entrain d'Elliot. Le drame est là. Cette bâtisse, c'était bien une des premières choses qu'il voulait voir. Il avait regardé les horaires. Il avait couru. C'était comme un soulagement d'être ici maintenant, même si ce qu'il lit sur les panneaux le tourmente. Pendant des années, ils ont été usinés, réduits, charcutés, pour produire toutes sortes de fournitures, tiges pour les corsets, stéarines pour les bougies, graisse pour les rouges à lèvres, des raisons bien dérisoires pour désosser les cartilages de créatures somptueuses qui peuvent vivre 1 ou 2 siècles. Avec un effort, l'odeur fossile devrait devenir supportable, se dit Elliot. Mais il ne sait pas sur quoi déposer son mal-être pour que ça ne se colle pas en lui. Il guette les réactions aux alentours. Il ne doit pas être le seul à ne pas souhaiter avoir l'esprit empesé par cette poisse. Il se sent désemparé dans la petite salle obscure où passe un documentaire sur le harponnage. On se croirait en guerre. C'était comme ça, il y a 60 ans, et ça l'est encore. Les navires frappaient les baleines en leur envoyant un harpon tiré le plus près possible de la tête, parce que c'est là que l'animal est le plus sensible. Assez ! Il suffoque et va respirer à côté dans une autre salle. Là, il tombe sur des œuvres de Reina Ortega. Elle dessine blanc sur bleu en mer, en lumineux avec résonance et infini. C'est un coup de foudre. Cet azur est originel, aucune usure. Les sens d'Eliot sont apaisés et cette paix participe de la rencontre. Il s'assoit, il apprend. Les cétacés sont des mammifères. Leurs ancêtres se promenaient sur les berges il y a environ 55 millions d'années. Quand la mer était chaude, Ils étaient cousins des chameaux, des vaches et des cochons d'aujourd'hui. À présent, les baleines ont un corps fuselé. Elles respirent par des évents situés au-dessus de la tête. Une nageoire caudale horizontale les propulse et aide les scientifiques à les identifier. Il suffit de capturer l'image de leur face interne avec chaque particularité de forme, de coloration, de cicatrice. Elliot adore cette possibilité d'échantillonnage, ce catalogue qui permet de suivre leur évolution et leur histoire individuelle. Il ressort du musée droit comme un prince. Cet artiste lui fait du bien, tant de bien avec ses dessins bleus de baleines bleues. Elle ancre une consistance, c'est comme s'ils avaient regardé toute la beauté du monde main dans la main. Maintenant qu'il n'est plus seul, après avoir déposé son sac à l'hôtel, il entre en conversation tout naturellement avec les gens qui, comme lui, attendent un des navires en bois préposés à cette formidable occupation. L'échange est facile, le voyage aussi. L'embarcation tangue au rythme des mouvements de tous ces curieux enthousiastes qui vont d'un bord à l'autre. Le bateau fut plusieurs fois heureux, et chaque fois tous les passagers crient leur joie. « Comme elle est belle! Ah, c'est fou !» Que la baleine s'élance ou qu'elle se laisse deviner, cela déclenche à chaque apparition la même élation. C'est un émerveillement partagé. Oui, voir son dos s'arrondir à la surface ou jaillir hors de l'eau, c'est une présence qui survient des profondeurs. On ne s'en lasse pas. Au retour vers le port, au micro, le commandant donne des informations chiffrées dont une retient toute l'attention d'Elliot. La chasse est interdite, mais il existe un quota de prélèvements scientifiques. Qu'est-ce qui se cache dans cet élément de langage? Voilà bien une question dont il a envie de débattre avec ses nouveaux camarades. Et ça tombe bien, tous prévoient d'aller manger. Il propose la brasserie, celle où il commencera son service le lendemain. C'est d'accord. Après une joyeuse bousculade, tout le monde s'assoit et regarde la carte. Sur les 10 couverts, 3 commandes de la baleine. La jeune serveuse note et repart. Elliot s'affole, mais comment protester? En lui, ça se révolte. Ils ne cachaient pas leur bonheur d'avoir rencontré des baleines, pourquoi ne pas garder cette fierté au restaurant? Lui se sent grandi par ce qu'il a vu. Les autres seraient tout simplement excités et cela signerait cette différence de perspective. Ça serait juste, ça? Il s'étrangle, mais réussit à prononcer. Sérieux, vous savez ce que vous avez commandé? On va essayer, on ne veut pas mourir idiot. Tenter de discuter avec ses convives. La commande est passée, comme une audience qui serait terminée. Elliot se demande alors, demain, au service, dans cette brasserie, comment je vais faire? Je vais supplier du regard les gens pour qu'ils n'en commandent pas. Ça ne marchera pas plus qu'aujourd'hui. Au coucher, il en est là, allongé sur son lit, sans dormir. Il ne lui reste que très peu de temps. La lumière du jour va venir envahir sa chambre maintenue blafarde par la nuit septentrionale. Comment va-t-il se comporter au restaurant? Pour l'heure, il n'a pas de solution. Et choisit de penser à d'autres combats. Il revient à ce que menait le vieux Tolstoï. Elliot partage avec lui qu'une révolution n'aboutit à rien, s'il n'y a pas une profonde transformation des individus. Il trace une analogie avec le rapport à la nature. Il croit à la nécessité d'un changement. Il aimerait tellement que les humains s'excitent moins et ne puissent pas, comme aujourd'hui, acheter une place pour aller voir les baleines l'après-midi et un steak pour les goûter dans la soirée. La mort, c'est grave. Respecter le vivant, pour lui, ce n'est pas un sacrifice. C'est retrouver l'envie et la force de lutter pour chaque goutte d'eau, pour chaque océan. C'est ce souffle nouveau qu'il souhaite, et une certitude le détend. Il sait que les consciences s'éveillent pour venir en aide aux baleines. C'est rassurant. Chut, voilà même qu'il s'endort, le cœur apaisé par l'azur de cette tendre idée, ou peut-être transporté par la courbe d'un dessin qu'il a tant aimé au musée. Ainsi s'achève Une journée à Hussavik par Claude Fée.